J'suis toujours avec mes Altassar pour faire la monnaie. J'sors de la merde et j'prends l'argent que Dieu m'a donné. J'sais que t'as le seum mais tu me guettes, même tes abonnés. J'suis arbitre de luxe, déguste en ma table que des gros bonnets. Parle-moi, hey, hey, hey, hey, yo. Que si tu nous veux, tu payes, hey, hey, hey, yo. On prend ta place, on prend ta go, oh, oh, oh, oh. Elle a kiffé le flow, oh, oh, oh, oh. Yeah, en bikini, et pas de limite. Elle est pas timide quand ça parle en liquide. Elle veut un truc le plus grand narco dans le club. Tous négocient, la vie ne vaut même plus timide. Elle veut la IA, elle veut du bif. Où va la IA, elle veut l'amour. Où va la IA, elle veut l'amour. Où va la IA, elle veut l'amour. Où va la IA, où va la IA, où va la IA. Elle veut du bif, elle veut du bif, elle veut du bif. Où va la IA, où va la IA, où va la IA. Il faut du bif, faut du bif, faut du bif. On est en train de faire un braquage, hein? C'est sa voix, c'est 10 ans de placard! Tu veux que je te salade? Elle veut un gringo loco qui fait tourner la coca. Paris à Napoli, de Madrid à Mallorca. C'est son lifestyle, elle aime l'or et le violet. Pas les couilles de ton huc, nous on n'est pas des affolés. On mange pas les miettes. Ma mignonne, mais jamais rassasiée. Donc faut nous payer. On casse les codes et la démarche, tout en montant les marches. Armé comme French Montana, j'ai mis Gucci et Versace. Versace, parle-moi. C'est qu'elle veut un truc qui fait. Ah, c'est mignon, oh.